Plage 6, l'abondance. Nous avons à peu près toutes et tous entendu dire qu'il n'est pas facile de générer de l'argent, et que pour cela, nous devons travailler durement. Et encore, même au prix d'immenses efforts, nous ne sommes pas certains d'y parvenir. Tu es né pour un petit pain, j'ai pas la bourse des Rothschild, l'argent ne pousse pas dans les arbres, les riches sont égoïstes, si on a de l'argent, c'est qu'on est malhonnête. Autant de phrases que vous avez dû entendre, et qui vous ont programmé afin que vous n'ayez pas d'argent, ou pire, que vous ne souhaitiez pas en avoir. À présent, remédions à ces ancrages erronés. Conservez l'état de relaxation dans lequel vous êtes grâce à la plage 3 de cet enregistrement. Respirez profondément et gardez les yeux fermés. Nous voici dans une épicerie, une grande surface. L'enfant que vous étiez, entre 0 et 12 ans, parcourt les rayons, accompagné de votre mère, de votre père ou bien d'une personne qui vous éduquait. Vous allez d'un rayon à l'autre, passant de la boucherie aux fruits et légumes, les plats en conserve, les produits laitiers. Revoyez ce moment. Laissez vos yeux se promener sur les étals. Sentez les odeurs. Permettez-vous de toucher certains articles. Puis, l'adulte qui vous accompagne emprunte le rayon des bonbons et confiseries. Votre enfant les regarde. Il ralentit. Il les touche. Remémorez-vous ce plaisir que vous aviez alors à contempler un paquet de votre confiserie préférée. Il demande alors à l'adulte de lui acheter ce paquet de bonbons. Mais l'adulte refuse, en lui disant ces mots. Non, t'auras pas de bonbons aujourd'hui. J'ai pas assez d'argent sur moi. Tu crois que j'ai que ça à acheter? Avec tout ce qu'il faut que je paye, tout ce que je dépense pour toi. J'ai déjà suffisamment de mal à boucler les fins de mois. L'argent ne tombe pas du ciel, qu'est-ce que tu crois? Tu verras plus tard quand tu seras grand. Ce que c'est que de gagner de l'argent, de tout payer. Les factures, le loyer, la nourriture. Alors non, je ne peux pas t'acheter de bonbons aujourd'hui. Votre enfant est déçu. Il est triste. Il pleure, mais il n'ose rien dire. Ressentez sa peine, sa frustration. Il reste immobile devant le paquet de bonbons, choqué par ce qu'il vient d'entendre. Pendant ce temps-là, sa mère avance vers un autre rayon, le laissant là, tout seul. Rejoignez-le. Approchez-vous de lui. Abaissez-vous à sa hauteur. À partir de maintenant, je vous demande de tapoter vos cuisses avec vos mains, comme je vous ai appris à le faire, jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. Vous prenez l'enfant que vous étiez dans vos bras pour le réconforter. Vous le serrez très fort. Vous sentez les battements de son cœur qui ralentissent contre votre poitrine. Peu à peu, il se calme. Il se sent en confiance, en sécurité. Regardez-le tendrement dans les yeux. Et vous lui dites ceci. Ne t'en fais pas, tout va bien. Ta maman voulait simplement te faire comprendre qu'il y a des moments durant lesquels il faut faire un peu attention à son argent et qu'actuellement, elle est vigilante avec ses finances. Mais elle n'est pas forcément pauvre pour autant. Viens avec moi, on va la voir. Vous amenez l'enfant devant sa mère, qui est un peu plus loin, dans un autre rayon. Celle-ci le regarde et lui dit « Excuse-moi de t'avoir dit ces choses-là tout à l'heure. Je voulais simplement te montrer la valeur de l'argent à ma façon, t'expliquer qu'il est important de bien le gérer. C'est pas parce qu'il m'est difficile d'en gagner que ce le sera pour toi, car je connais tes capacités. Je sais que tu pourras en gagner, beaucoup, honnêtement. » et tu en seras fier. Des personnes riches, il y en a plein, et la plupart d'entre elles sont des gens bien, généreux, et tu en feras partie. Excuse-moi encore, arrête de pleurer, ne t'en fais pas. Tout va très très bien. Voyez et ressentez l'enfant se sentir progressivement soulagé. Le sourire lui revient, peu à peu. La mère embrasse l'enfant tendrement, puis vous laisse avec lui un moment alors qu'elle poursuit ses courses. Accroupissez-vous devant lui et visualisez-vous en train de lui dire ceci. Tu sais, c'est pas si difficile que ça d'avoir de l'argent. Certaines personnes y arrivent très bien, avec beaucoup de facilité. Tu es quelqu'un d'intelligent qui fera de grandes choses dans sa vie. Et tu mériteras parfaitement tout l'argent que tu gagneras. Je sais que tu attireras beaucoup d'argent, que tu auras même beaucoup de chance et que tu pourras t'offrir un grand confort de vie et tout ce qui te fera plaisir. Et tout cela, honnêtement, sans que cet argent manque à qui que ce soit. L'argent entrera dans ta vie et y restera. Tu en auras toujours suffisamment pour tes besoins, mais aussi pour faire ce dont tu auras envie. Tu pourras même en faire profiter les personnes que tu aimes ou bien des gens dans le besoin. Regardez l'enfant que vous étiez droit dans les yeux et affirmez-lui ceci. Faisons maintenant, ensemble, la promesse que jamais tu ne manqueras d'argent et que tu auras toujours autant d'argent que tu en auras besoin. Honnêtement. D'accord ? Voyez votre enfant heureux de vous dire que oui. Soulagé et joyeux de vous faire cette promesse à l'idée de toujours avoir suffisamment d'argent pour vivre et bien plus encore. Prenez le temps de ressentir ces belles émotions, ce bonheur, cette sécurité. Maintenant, serrez votre enfant dans vos bras. Embrassez-le. Il est heureux, et vous aussi. À présent, vous pouvez arrêter de tapoter vos cuisses. Voyez l'enfant s'éloigner progressivement de vous pour rejoindre sa mère au bout du rayon. De temps en temps, il se retourne pour vous regarder en souriant. Il est avec elle, en sécurité. Vous pouvez désormais quitter le rayon en toute tranquillité. Si vous souhaitez continuer à traiter d'autres domaines de votre passé, alors gardez simplement les yeux fermés et une respiration profonde. Si vous désirez interrompre le travail et poursuivre ultérieurement, alors vous allez pouvoir revenir ici et maintenant au décompte de 5. 5. 4. 3. 2. Et 1. Prenez votre temps. Profitez encore un instant de l'état de bien-être dans lequel vous devez vous trouver.